Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal, la grande édition de ce 7 novembre 2016. Et en voici les grandes articulations. Une personne est morte des suites de la consommation d'une bouillie faite à base d'une farine de soja contenant du poison. 22 autres ont été admises dans différents hôpitaux pour désintoxication. Nous sommes en commune de Rougazi de la province Boubanza. La police a déjà commencé ses investigations, nous dit-on. Le CNRS, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et le rétablissement d'un état de droit demande au médiateur dans le dialogue interburundais d'appeler le président Nkurunziza à y participer en personne. Mais le porte-parole de cette plateforme de l'opposition ne précise pas la date de reprise de ses pourparlers. Les eaux usées provenant des égouts et se déversant dans le quartier de Bouguiza, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura, risquent de causer des maladies des mains sales. Les habitants ou ceux qui exercent leurs activités quotidiennes dans ce quartier s'inquiètent et donnent l'alerte. Notre reporter nous en fera le topo. Et le reportage de ce lundi nous conduit en commune Gatara de la province Kayanza, la commune la plus densément peuplée au Burundi. Dans cette commune, certains hommes ont même déjà pratiqué la vasectomie, c'est-à-dire la méthode de stérilisation masculine. Et en actualité internationale, les Américains élisent demain leur nouveau président. Entre-temps, le FBI a annoncé ce dimanche qu'il maintenait sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire des mails. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Une personne est morte, 22 autres sont hospitalisés dans différents hôpitaux de la commune Rougazi, en province Boubanza. Les victimes habitant à Muzinda ont consommé de la bouillie faite à partir de la farine de soja qui aurait été empoisonnée. Les sources policières indiquent que même les commerçants de cette farine sont victimes de l'incident et ils pensent que ce serait un malfaiteur qui a mis du poison dans la farine, mais que les enquêtes sont en cours. Je venais de vous le dire, le Conseil national pour le respect des accords d'Arusha et le rétablissement d'un état de droit, CNRED, demande au médiateur dans la crise au Burundi d'appeler le président burundais en personne à participer au dialogue interburundais. Pancras Chimaye, porte-parole de cette plateforme de l'opposition, affirme que la date de reprise de ce dialogue ne leur a pas été communiquée. Une session visant à trouver une solution négociée doit être accélérée, ajoute le porte-parole du dit conseil. Suivez Pancras Chimaye. La session de préparer interburundais d'Arusha tarde à venir. Malgré la situation difficile, ici nous invitons la médiation à accélérer. Nous invitons la médiation à comprendre qu'il est d'une impérieuse nécessité d'organiser une session pour trouver une solution négociée à la crise politico-sécuritaire burundaise. Vous semblez ne pas changer de position. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette reprise puisse être effective et que les Burundais recouvrent la paix? La position, malheureusement, du CNRED n'a pas encore eu le temps d'être exposée parce que précisément et présentement, le CNRED n'a pas encore eu en face à face avec le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Ici, il s'est de rappeler que la dernière session du 12 juillet, la délégation de Bujumbura a claqué la porte. On n'a pas encore eu l'opportunité de nous asseoir autour d'une même table pour essayer de fixer l'agenda, pour essayer de fixer la méthodologie et surtout pour essayer d'aborder les questions de fond. Le souhait du scénario est de ce qu'on puisse commencer à enfin le véritable pourparler pour mettre fin à cette crise politico-sécuritaire. C'était Pancras Chimaye au téléphone avec Mireille Kanyang. Et c'est une avancée notable que les jeunes de différentes tendances politiques se rencontrent pour échanger sur l'avenir du pays et surtout à l'extérieur du Burundi. C'est la satisfaction exprimée par le conseiller principal en communication du président de la République, Willy Nyamitwe, après un forum organisé à Berlin la semaine dernière et qui a rassemblé des jeunes vivant au pays et ceux vivant à l'étranger. Willy Nyamitwe salue le pas franchi de donner la parole aux jeunes pour des affaires qui concernent le pays. On l'écoute. Et ce forum embarquait des jeunes qui viennent du Burundi et des jeunes de la diaspora, tous burundais, toutes ethnies confondues, et qui viennent de diverses opinions politiques, mais également des personnes aussi qui n'appartenaient ni à une formation politique, ni à une opinion politique, mais qui étaient là comme des jeunes qui peuvent apporter leur contribution afin de bâtir une paix durable dans notre pays. Il a été dit que ces activités ont réuni les jeunes issus des partis de la mouvance, mais également des jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont principalement de l'opposition politique. Sur quels critères on a choisi ces jeunes ? Allez me demander le critère, ce serait difficile pour moi. Mais ce qui est certain, c'est que les jeunes ou les personnes qui étaient là ne représentaient pas leur formation politique, n'étaient pas délégués ou envoyés par des formations politiques. C'est des jeunes qui étaient choisis sur base principalement du débat contradictoire qui apparaît déjà sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont actifs sur Twitter, des jeunes qui sont actifs sur Facebook, d'après ce que j'ai entendu. Et on voulait prendre ce débat virtuel et le mettre dans une salle afin que des gens puissent débattre franchement sur des questions d'ordre général, mais qui concernent principalement la jeunesse ainsi que des perspectives d'avenir. Willy Nyamitwe, vous avez été là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des résultats à la fin de ces activités de 4 jours? Le premier résultat que je trouve, moi, positif, et cette possibilité de se mettre ensemble, des jeunes personnes qui sont même virulentes des fois sur les réseaux sociaux, à pouvoir se retrouver ensemble, passer une semaine ensemble, ça c'est un pas positif. Deuxièmement, de telles rencontres étaient entourées de polémiques, étaient entourées de débats peu courtois sur les réseaux sociaux, mais si vous voyez la retenue des deux camps ou de tous les participants, qui ne divulgue pas l'identité des gens qui étaient dans ce forum. Moi, je trouve que c'est un pas positif. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début prometteur pour un bon avenir pour les jeunes burundais? Certainement, puisque c'est une première. Moi, je pense que tous les processus déjà mis en place souvent oublient que la jeunesse est la frange de la population la plus active et la plus concernée. Dans un pays où la jeunesse est la plus grande frange de la population, moi je pense que c'est très important de multiplier de telles rencontres afin que les jeunes parviennent à conjuguer leurs efforts et mettre ensemble tout leur savoir ainsi que leur savoir-faire pour développer leur pays. C'était le conseiller principal en communication du président de la République, Willy Nyamitwe, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Précisons que cette réunion s'est déroulée à Berlin, en Allemagne, de mardi à vendredi la semaine dernière. Elle était organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Il est 13h04 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les eaux usées provenant des égouts et se déversant dans le quartier Bouiza de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, risquent de causer des maladies des mains sales comme le choléra et d'autres. L'alerte est donnée par Niongabo Anakle, gérant de la station-service Kingstar située dans ce quartier, qui regrette dans le même temps que la mairie est déjà avisée de ce problème mais tarde à réagir. Voici le reportage de Christella Nizigama qui s'est rendue sur les lieux. Arrivé au quartier Bouiza, 7e et 8e avenue, l'odeur des eaux usées nauséabonde. Entre ces deux avenues, il y a les stations Kingstar et Kobil, communément appelées Bayoussouf. Certaines activités continuent comme le lavage des véhicules et les vendeurs ambulants de fruits continuent leurs activités. Les habitants de cette localité indiquent que certaines activités ont été interrompues, comme ceux qui vendaient du lait. Même certains ménages sont fermés car ceux qui y habitaient ont déménagé à cause de cette odeur des eaux usées. Niongabo Anakle, le gérant de station Kingstar, indique que ces eaux usées vont causer des maladies. Ce phénomène des eaux usées est causé par des toilettes qui se sont abîmées dans cette partie de Bouiza et ça dure longtemps. On l'a signalé au niveau de la mairie qui nous a fait savoir que c'est le CTMI qui est en charge de la réparation. On a même payé beaucoup d'argent pour régler ce problème, mais en vain. Cela peut causer beaucoup de maladies car ça dégage une mauvaise odeur et c'est pour cette raison que nous avons peur que beaucoup d'entre nous vont attraper des maladies. Même l'ancien responsable de la CTMI lui a emboîté le pas. Il indique que ces eaux usées vont causer des maladies diarrhéiques comme le choléra. Voilà que ça déborde à partir de ses goûts, ça déborde simplement et ça coule vers les ménages. Et bonjour les dégâts en termes de différentes maladies diarrhéiques, dont le choléra, que sais-je encore. Avec une hydroqueuse, si ça fonctionne encore, ça peut être facilement fait en ayant 1 heure ou 2 heures. Mais si ça coule 1 semaine, 2 semaines, que sais-je encore, mon Dieu, les dégâts sont terribles et énormes. Ça coûterait encore beaucoup plus cher parce que c'est lié à la santé publique. Hélas, je le constate amèrement, je pense que les autorités qui sont en charge de cet aspect devront se saisir tout de suite, illico presto, sinon c'est grave. Ces habitants du quartier Bwiza disent que ça fait environ un mois et plus que ces eaux usées se déversent. Ils interpellent les autorités habilitées pour régler ce problème. Christella Nizigama, l'Office burundais des recettes annonce provisoirement avoir collecté des recettes estimées à au moins 47,29 milliards de francs burundais pour le mois d'octobre 2016 contre 46,73 milliards pour le même mois de l'année 2015, soit une augmentation de 1,2%. En chiffres cumulés, selon du moins le communiqué de l'OBR, les recettes collectées depuis janvier à octobre 2016 s'élèvent à 522,72 milliards de francs burundais. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions qui étaient de 490,34 milliards. Et par rapport aux recettes correspondantes de l'année 2015, le communiqué parle d'une augmentation d'un peu plus de 45 milliards de francs burundais. L'OBR fait savoir également que le taux de réalisation de la collecte des recettes jusqu'au mois d'octobre 2016 est de 88%. On passe à l'actualité internationale avant le reportage qui nous conduira à Gattara et la chronique sportive qui nous parlera du karaté. Je vous l'avais dit, le FBI a annoncé ce dimanche qu'il maintenait sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire des mails. J-1 donc, il sera difficile d'évaluer quel sera l'impact de cette annonce. Et en Chine, deux députés du Parlement ont été déchus de leur mandat pour avoir mal prêté serment. Et au Mali, un casque bleu et deux civils maliens ont été tués dimanche dans une attaque d'un convoi de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Les détails avec Francine Niokougaï. On commence l'actualité internationale par le Mali où une mine a explosé dimanche au passage d'un convoi de casques bleus près de Douentza dans le centre du pays. Un casque bleu togolais et deux civils maliens ont été tués dans l'attaque. Sept casques bleus togolais ont par ailleurs été blessés, dont trois grièvement, ajouté dans un communiqué la MINUSMA. L'explosion a été suivie par des tirs des assaillants. 20 000 délégués présents au Maroc depuis ce lundi 7 novembre dans la ville de Marrakech où s'ouvre un sommet sur l'environnement. Marrakech a dû, conformément aux exigences des Nations Unies, faire de cet événement un rendez-vous ne générant aucune énergie carbone. Mais la volonté affichée est allée plus loin, faire de Marrakech une ville moderne porteuse d'un message clair. Mais de leur côté, les internautes s'amusent de cet élan écolo, déplorant parfois qu'il faille un tel événement pour que les efforts de modernisation soient déployés au Maroc. Des efforts qui devraient, dit-on sur les réseaux sociaux, être davantage dirigés vers un meilleur accès à l'éducation, à l'emploi ou encore à la santé. Et en Chine, deux députés du Parlement local de Hong Kong ont été déchus de leur mandat sur décision du Parlement chinois élu en septembre au Conseil législatif. Ces deux députés avaient vu leur prestation de serment rejetée après l'avoir délibérément mal effectuée. Ils avaient refusé de prononcer correctement le mot Chine et utilisé des termes péjoratifs lors de leur prestation. Ils ne pourront pas prêter serment une deuxième fois, vient d'acter l'Assemblée nationale et populaire de Chine ce lundi 7 novembre. Alors que les protestations ont repris dans les rues de la ville. Aux États-Unis, à J-1 du scrutin, on pouvait croire que c'en était terminé des coups de théâtre qui ont émaillé cette campagne présidentielle. Mais décidément, rien n'aura été épargné aux Américains. Dans une lettre adressée aux 8 directeurs de commission du Congrès, le FBI a annoncé que la dernière affaire des emails ne débouchera pas sur une nouvelle investigation contre Hillary Clinton. En France, pour terminer, les infirmières sont appelées à manifester mardi 8 novembre aux côtés des aides-soignantes et des personnels non médicaux des hôpitaux publics pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Radio Isanganiro Chronique. Le karaté ne consiste pas à mener des combats, mais c'est un jeu comme tant d'autres qui se trouve sur la liste des Jeux Olympiques. C'est l'explication du vice-président de la Fédération du karaté au Burundi. Bernard Bizoza indique que le karaté classe le Burundi en première position au niveau de l'Afrique de l'Est. Ce karatéka demande que ce sport, comme les autres sports, bénéficie d'appui d'ordre financier suffisant pour pouvoir détecter des athlètes qui puissent représenter valablement le Burundi dans des compétitions internationales. La chronique sportive d'aujourd'hui sur le karaté avec Evariste Nzikomanyana. Le karaté figure parmi les jeux se trouvant sur la liste des Jeux Olympiques. Ce jeu classe le Burundi en première position dans la région des pays de l'Afrique de l'Est, indique Gérard Vizoza, karatéka et vice-président de la Fédération nationale du karaté. La Fédération burundaise de karaté a été créée en 1993 par 4 clubs. Et maintenant, nous en sommes à 26 clubs, c'est-à-dire qu'il y a déjà des avancées. À partir de 2005, et sur base d'un stage que nous avons bénéficié d'un Français, d'une de Serge Forcin, la Fédération burundaise de karaté a monté en flèche, et surtout l'équipe nationale. C'est à partir de là où on a commencé à gagner des médailles. Et par après, on est sorti l'équipe nationale à partir de 2008. Toute l'équipe a été la première au niveau de la région. Et de 2008 à 2013, on était toujours... premier. 2014 et 2015, malheureusement, on n'a pas eu de moyens pour faire sortir l'équipe nationale. Mais nous avons continué au niveau des clubs, au niveau de la fédération, des compétitions. Ce qui nous rassure que le niveau n'a pas sensiblement diminué. Nous avons vraiment des jeunes très dynamiques, très concentrés, avec de très bonnes techniques. Et là, je dirais alors, si nous avons un soutien, je pense que le karaté pourra aller loin. Le karaté ne consiste pas à apprendre comment combattre les autres, mais plutôt un sport de compétition tant nationale qu'internationale fondée sur 9 critères, explique Gérard Vizoza. Le karaté, donc, comme je l'ai dit, est un art de combat qui est fondé sur certains principes, 9 principes, dont l'honneur, c'est la qualité essentielle. La deuxième, c'est la fidélité. Donc on dit qu'il n'y a pas d'honneur sans fidélité et loyauté. La troisième, c'est la sincérité. La quatrième, c'est le courage, la force d'âme qui fait braver le danger. La cinquième, c'est la bonté et la bienveillance. La sixième, c'est la modestie et l'humilité. La septième, la droiture. Le huitième, c'est le respect. Donc le respect d'abord de soi. Parce que pour pouvoir respecter les autres, il faut d'abord se respecter. Et le dernier, c'est le contrôle de soi. Le vice-président de la Fédération du Karaté demande au ministère de la Jeunesse et des Sports, les opérateurs économiques et les hommes des médias de tout faire pour appuyer les sports, le karaté y compris, ce qui pourrait aider dans la détection des talents qui puissent représenter le Burundi dans les compétitions internationales. À la source, reportage. Et comme annoncé en titre, le reportage de ce lundi nous conduit en commune Gatara de la province Kayanza, la commune la plus densément peuplée au Burundi. Certains couples commencent à comprendre la nécessité de faire le planning familial. Dans cette commune, certains hommes ont même déjà pratiqué la vasectomie, qui est la méthode de stérilisation masculine. Les autres adhèrent petit à petit à d'autres méthodes contraceptives, mais les résultats restent insatisfaisants selon l'agent de promotion de santé dans cette localité. La population de Gatara crie aujourd'hui au manque de terres cultivables suite à cette forte densité. Oban Niyonguru, de retour de Gatara. Oui, moi franchement, je l'ai bien accueilli. Je n'y trouve aucune conséquence. Nombre de personnes en parlent et ils me l'ont demandé. Ils me demandent, est-ce vraiment possible? On est en commune Gatara de la province de Kayanza, la première à avoir une forte densité sur le plan national. Il s'agit de plus de 900 personnes par kilomètre carré. La commune Gatara a une superficie de plus ou moins 103 km² et est habitée par plus de 90 000 personnes. Aujourd'hui, la population de cette commune commence à sentir les conséquences de cette forte densité. Suite à ces conséquences, certains couples se sont déjà convenus à pratiquer les méthodes de contraception définitive. Son épouse souligne qu'il s'était bien convenu de ne pas dépasser 5 enfants avant même de se marier. Après cette vasectomie, elle fait savoir qu'ils continuent à vivre correctement leur vie amoureuse. Joachim Nibona, agent de promotion de santé à Gatara, souligne que la population de cette commune commence à sentir la nécessité d'adhérer aux méthodes contraceptives. Mais le taux de ceux qui ont déjà adhéré reste insuffisant. Actuellement, je ne peux pas. Je peux. Sur le taux d'adhésion, je peux estimer, mais on n'arrive pas à 10% de participation. Mais on compte peut-être avoir plus dans les prochains jours parce que la sensibilisation continue. Et puis les gens commencent à voir les difficultés qu'ils rencontrent avec beaucoup d'enfants dans les ménages. Et je pense que vu ces problèmes au niveau des familles, Ils vont adhérer, je pense. Je crois qu'ils vont adhérer massivement à ces méthodes. Par catégorie, suivant les sexes, cette commune est habitée par plus ou moins 46 000 hommes et 51 000 femmes. Et les enseignements de certaines églises constituent un handicap pour faire comprendre à la population la nécessité de limiter les naissances. Merci Aubin Nyongoro. C'est sur ce reportage que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons un bon après-midi et surtout ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent.